jardin d'Éden, j'ai quitté le devant de la scène. J'ai conçu ton refus. Déchu du bonheur, je m'en vais errer au bois des pleurs, sans prier, sans rêver. Ton jardin de fleurs m'a banni de ses nobles senteurs. Je m'incline, me déracine. Au jardin d'Éden, sans moi le vent y sème. Tes futures saisons. Déchu de ton cœur, arraché à ta douce pesanteur, je chavire, me déchire aux sombres lueurs. Je m'en vais errer au bois des pleurs, sans prier, sans rêver, sans tricher.